Leçon 6. Sixième leçon. Où se trouve ? Première partie. Je veux acheter une robe. Vous me connaissez déjà. Je m'appelle Valérie Delon. Je suis secrétaire bilingue. Dans une maison d'édition à Québec. Je suis en vacances. Avec mon père, ma mère et mon frère Paul. Tous les deux ans, mes parents prennent leurs vacances en France. Naturellement, leurs fils et leurs filles les accompagnent.